Bonsoir à tous, vous êtes sur la Toupa Jet dans le nouvel explorateur. Il est 22h, nous sommes le 17 décembre 2019. Vous avez choisi sur ma story Instagram le sujet de l'émission puisque vous avez choisi la France. Nous écouterons des musiques françaises et irons dans une autre ville que Paris en cours d'émission. Avant de débuter la première musique, je vous informe que vous pouvez dès à présent voter pour le sujet de la prochaine émission. Mais la prochaine émission aura lieu en 2020. Vers à peu près mi-janvier, je pense. Allez, avant de débuter la première musique, je vous rappelle, vous pouvez dès à présent voter pour le prochain sujet de la prochaine émission qui aura lieu, comme je vous le disais, en janvier 2020. Et le vote se situe dans ma story Instagram. Vous avez le choix entre la Belgique et les Pays-Bas. Et encore avant de débuter la première musique de l'émission, je vous informe que le podcast de cette émission est disponible sur fadjet.com. Et en plus de cela, il y a aussi mon nouveau site internet qui est dans le descriptif de l'émission. Vous allez sur fadjet, vous allez dans les programmes, vous cliquez sur le nouvel explorateur. Et normalement, vous avez tous les liens, le lien de mon Instagram qui est quanta_en_. Et aussi le lien de mon site. Allez, il est temps de commencer enfin. Et j'ai fait le choix d'intégrer des artistes locaux à cette émission. Vous y retrouverez Seven Shows et Léodas notamment. On aimera toutes pour la première musique de l'émission qui est interprétée par Loboel. Et c'est Iron Lobo de Loboel sur Radio Fudget dans le nouvel Spotter maintenant. J'en ai plus sous ma five panel, j'suis dans le sac de Mary Poppins. J'suis venu pour donner de la tête comme Basile Boli. De jour comme de nuit pour couronner la fête. Si t'es venu pour punir ta verge, j'prends leur tour de la guillotine. MC garde la pêche, on monte en flèche comme une arbalète. En échec à la Gargamel, c'est pour les fumeurs de sars pareil qui savent planer. Tu nous connais par cœur, on blague pas mec, débarque à 13h. Artel la barre ta veille, barbare à la Margaret. J'ai commencé bien trop tôt, c'est un atout. Dans le rap, je me saigne pour pas être une plaie. Avant de faire du blé, on a du grain à moudre. Je suis pas un cow-boy qui craint la poudre. Après Lobo vient la foudre. Une époque de barge, sort plus sans tes codes de maille. Avant qu'on te surprenne, qu'on te fumait, pour qu'on légalise le port de l'arme. Mais que ton examine mes tonnes de vibe, c'est de la boxe taille. Et je compte sur elle pour faire onduler. Si je monte sur scène, tu me donnes le mic. Toute la clique d'ambiance, LGDC c'est des mecs et des meufs qui détestent l'erreur et respectent les refs. Faut que tu me dises que t'en penses, pas que tu me jettes des fleurs. J'ai des peines et des peurs, je me fous faire du matin. C'est le salon de bâtard. Le hip-hop anime, je veux une discographie de la taille du bras de Karim Abdul-Jabbar. Mais je fais des EP, des obligants, des obligeants. Désolé d'être aussi vantard, mais c'est trop temps. T'en nique les faux sangs, blanc, je vois les choses en grand. Pour les potes en manque de bon rap, bon taf, c'est vilain. C'est en une après, je peux écrire un texte en faisant l'amour à trois sur la batte ou cadavre. Je t'avouerai, je pète des câbles, je pourrais rester calme. Ça fourrait mes semaines, mais partout ça joue les westerns. Non, si j'ai foulé mes semaines, pour tous les vrais frères qui ont toujours été à l'écoute et cette merde. Thatcher, Snipe, Spray, Bow, Bow. C'était Loboel pour Iron Lobo sur Radio Fudget dans le nouvel Explorateur. Et dès à présent, je vais vous faire écoutez la seconde musique de l'émission qui est Echo de Léodas et Shoka sur Radio Fudget dans le nouvel Explorateur. C'est dans 3, 2, 1, c'est tout de suite. Demande à ce monsieur ce qui est pire que la rue. Y'a des remords que les bons éparpillent. Une thérapie et puis je repars pur. Fuck les maniaques qui me séduisent le grabuge. Je les mets à l'amende, ils me disent t'abuses. Tous mes uns arrivent à la rescousse. Pourquoi ils m'évitent, moi je suis pas Rasmus. Je vois leur rancœur et mon âme s'étouffe. Mon petit poteau qui qu'en suite chante. C'est beaucoup plus cool de switcher. Caillot me débloque un sweet short. Assez rageux, je viens passer le ciao. Ne parlons pas de cette fille, t'es gentil mais ça fâche. Sur des grands buildings, nos sentiments s'affichent. Allez, rejoins-nous, on est tranquille et grave nice. C'est nos vieux démons qu'on attendrit dans la nuit. C'est pas un orage, dans les étoiles chantent. On s'est fait du mal en se dévoilant. J'écrivais lors de ces nuits plaisantes, sans nouveau morceau quand je sortais de ma chambre. Je fus garde devant le mépris se répand depuis pas. De plan j'ai pris de l'aisance, m'arrête pas, je rends des tricks déments. Les échos fichent le temps comme un ménagel. Bientôt on la verra s'embraser la terre. T'avais ta fierté et moi j'avais la mienne. C'est mieux qu'on s'éloigne, non, ça me fait pas yèche. Ça me fait pas yèche, non, ça me fait pas yèche. vie, c'est ce que les échos craignent. Dans la grotte, c'est là qu'on crie nos peines. On rêve d'accomplir nos rêves, qui sont sous forme de coups de crayon. Écho, écho, écho, écho, écho, écho. Tomber dans l'oubli, c'est ce que les échos craignent. Dans la grotte, c'est là qu'on crie nos peines. On rêve d'accomplir nos rêves, qui sont sous forme de coups de crayon. Écho, écho, écho, écho. Cette atmosphère s'estompe quand les grues s'élèvent. Les fresques tombent et le gré s'effrite. C'est les deux derniers mois que mes cernes me montrent. Personne ne fout le faya comme Daenerys. C'est avec ses beaux yeux que j'essaye de rompre. Les échos sont là pour renforcer mes tirs. Je fais mon coup de gueule et l'écho l'amplifie. Tu me souris, tu sors un collant plus fin. T'aimes quand je sors mon côté le plus fou. J'aurais jamais pensé qu'il allait pleuvoir. Tous mes frères sont là quand je mets le collier. Je veux de la lumière, je tire un trait sur Mélancolia. On a la flemme de ranger un caleçon, c'est loin du confort qu'on se forgera. Pour qu'ils nous retrouvent, moi j'ai planté un bâton dans mes pensées sur ma borde le soir. Chocas maîtrise tous les genres de basses. On arrive fragile mais on ressort tenace. Arrête de complexer, moi j'adore tes nattes, ouais. 3 heures du mat, mes yeux brillent vers l'ordinateur. On s'aide, on s'aide, on s'aidera. Même si un jour tout le monde cédera. Jamais noyer ma peine dans un verre de sky. Tirez-nous vers le haut et pas vers le bas. C'est pas les armes, non, c'est le mic qui combat l'épée. Une partie de mon âme est dead, nostalgique. Comme ce gars qui compare ses ex. J'ai pas dit qu'on allait se perdre. Mes gars qui dront la mêlée, on fera ce qu'ils n'ont jamais fait. Je vais crier dans un bar escapé et tout le monde suivra. À 3h, y'a plus que le houblon qui se boit. La jeunesse voit ses poumons qui se noircissent. Vis chaque jour comme si t'avais 3 vies. Ils peuvent te commis tout le long de l'histoire. Moi, j'ai des rêves cachés sous mon tiroir. Quoi? C'était Léo Das et Shoka sur Toufa Jet dans le nouvel explorateur pour Echo. Et dès à présent, il est l'heure d'aller explorer une ville. Cette ville est en France et se nomme Nancy, puisque tous les artistes de l'émission viennent ou habitent proche de Nancy. Et maintenant, nous allons découvrir Nancy, comme je vous l'ai dit. Et nous avons débuté avec un taureau, avec sa belle couleur rouge éclatante et ses lignes épurées, et attire tous les regards sur l'esplanade du centre de congrès à côté de la gare. Bien qu'il semble aux aguets, nul besoin d'être un toréador chevronné pour s'en approcher sans danger et immortaliser cette rencontre. Peut-être deviendra-t-il bientôt aussi connu que le taureau de Wall Street, l'un des sites les plus photographiés de New York. La légende ne dit pas encore si le toucher vous tape. Je vous apportera bonheur et prospérité. Un taureau dans la ville. Ce taureau a été réalisé par l'artiste nancéen Guy Pellini, célèbre dans le monde entier, notamment pour ses sculptures de bêtes cornues. Le sculpteur a choisi de représenter un taureau en clin d'œil pour le représenter sur les armoiries de Stanislas. Roi polonais devenu le dernier duc de Lorraine et à l'origine de la célèbre place qui porte ce nom. Mais ça, c'est une autre histoire. 3 mètres de long pour 900 kilos, le taureau en impose. C'est l'une des plus grosses pièces réalisées en bronze par Guy Pellini. La démarche artistique rend aussi hommage au savoir-faire lorrain en matière d'art du feu, puisqu'elle a été fondue à Rambervillers, dans l'une des rares fonderies d'art de France. Le taureau était si grand qu'il a fallu l'assembler en plusieurs parties. Il a ensuite été peint à Mirecourt. Une belle synergie pour une œuvre 100% lorraine. En avant toute pour la deuxième activité à faire à Nancy. Boire un verre, place Stanislas ce soir. Dans la série des choses à faire à Nancy, boire un verre en soirée, place Stan. Pourquoi? S'installer à une terrasse dans une ville étrangère est toujours une pause bienvenue. On se pose, on regarde alentour, on pense à ce qu'on a découvert et à ce qui reste à voir. Mais surtout, on y goûte l'ambiance du lieu, tant de détente et d'observation tout à la fois. Alors qu'on s'installe place Stanislas, où les bonnes adresses ne manquent pas, les restaurants et des bars en font le tour presque complet. C'est le Nirvana. Bien calé dans les sièges aux couleurs discrètes, la beauté de ce théâtre minéral vous imprègne. Les discussions s'y font plus douces. La majesté du lieu fait un peu baisser la voix. La nuit, l'éclairage doré des façades et les ferrures de Jean Lamour transforment la place en bijoux. Les étoiles de lumière au pied des lampadaires brillent comme des diamants. Pour vous, profitez. Et c'était un peu une brève explication, une brève description de Nancy, la ville mise en valeur lors de cette émission, avec ses artistes locaux, entre autres. Et maintenant, Il est temps d'aller voir le troisième artiste nancéen. C'est Kikessa pour 4 millions en live dans le Nouvel Explorateur. Mets-moi 4 millions d'euros dans le sac, puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac, puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop. Je veux un paquet de fric, pas de carré vip. Je veux me barrer vite. Mon album c'est l'apothéose, tu l'apprécies. Mon album c'est l'apothéose en paquet de frites. Tous les gens blindés que je connais me paraissent tristes. Donc je veux pas être riche. Solo, j'ai rien faire à part écrire, à part être piche. Je fais moins stream que cet arrêt, mais cet arrêt de triche. Copine, t'en as marre d'être nul. Si je m'écoutais, je ferais que parler de cul. Bientôt je vais faire des persis pleins. Et je parie que c'est barré qui va garer le bus. Ah merde, encore un son ego trip. Je suis certainement trop émotif. J'ai jamais su comment il fallait parler aux filles. Ado, je me faisais que par des go trip. J'suis sur plage 80, bientôt je vais rentrer. J'ai mis du temps vu que le bateau tanguait. On me demande si ce que je dis est complètement vrai. Je crois que c'est le truc le plus con qu'on m'ait demandé. Oh que s'te plaît, mets-moi 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, y'a des gros types sur des faux sites et des gossips que j'ai grossi. Ok, jamais je négocie. En concert, je m'égosie avec Ogozi. Putain, je m'applique sur chaque couplet. Je mets ma vie sur 10, mais moi 10 sur 10. Je vais pas me louper, j'arrive comme une petite surprise. Je vais éclairer ta vie comme une bougie. Te faire voyager comme un Gucci. J'ai bien réfléchi et j'ai enfin pourquoi j'ai dit oui. Parce que oui, pas ni Gucci. Non, je ne kiffe pas des Gucci sushi. J'ai nouveau hippie gang, j'ai tout ce qu'il me faut. J'aime niquer ma paire dans une foule qui bouge. Je graille la concu comme une cookie d'eau. Mets-moi 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop, je vais m'exiler, enfin si j'ai de la chance. D'abord je dois finir bientôt la fin de la chanson. Je vais retirer tous mes billets de la banque. Si j'étais comme un jeu, le vivrais comme une sanction. Et j'aime pas les sanctions, je les laisse aller dans le fond. C'est très carré, je sais que j'arrêterai juste avant de m'égarer dans le son. Je me sens tout le temps différent d'eux. De toute façon quand t'es comme eux dans la vie c'est dangereux. La concu s'agite dans tous les sens, comme si je venais juste d'arriver dans le jeu. Mets-moi 4 millions d'euros dans le sac, puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac, puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes techos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop. C'était 4 millions de Kikessa sur Radio Fudget dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, on va prendre la route de la dernière musique de l'émission qui est par ici, de Season Shows et CG sur Radio Fudget dans le Nouvel Explorateur. Et c'est maintenant dans 3, 2, 1, c'est tout de suite. We used to live on the road before, so we moved from place to place. And it's our livelihood, like that's where we brought up the fathers before us and all that. That was the way. But then all the laws came in, like you can't stay on the side of the road, so to get you into the one place, then you have to stay there. But I don't know, like the life of the road is the best, like it's the best lifestyle. Comme ça que je me guéris, reportage sur Mérine, travailler mes rimes, dire que je le mérite, je suis le perso d'une série. À très petit budget, à très petit budget, des ambitions terribles. Est-ce que je vais serrer, rayer le numéro de série? Je m'acharne et j'en finis pas, je veux plus voir sa tête. Assis peut-être se faire éclater en 4K, écran rétina, je rêve d'un final. La fumée que j'inhale est blanche comme un berger suisse. Et comme mon cœur, la pochette est hermétique. Pour parler, je dois faire des titres. Certaines choses n'ont pas de sens. C'est comme ça, c'est pas de chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Exemple, c'est étrange. Ta mère, c'est un ange, mais toi, t'es un fils de pute. T'envoies des pics, ta grande gueule. Et tout est gun, c'est des répliques. J'ai mon équipe, t'as ton fan club. Et ton fan club suce mon équipe. Et comme je suis cool, je vais te laisser faire. Mais comme je suis con, un jour je vais te faire. Tête à tête, moi pas connaître. Tu vas taper des footings comme l'armée de terre. Mon âme est chère. Je fais que de bons chars gros. Demande à mes frères. Je vois des traîtres qui font des coups bas. Ont pas le choix, ils sont plus bactères. Par ici, par ici, par ici, tout est flou. J'ai beau éviter d'être chelou, je suis pire de tous. Tous les jours, tous les soirs, dans la même frustration. J'ai toujours voulu vous parler sans être proche de vous. Par ici, par ici, par ici, tout est flou. J'ai beau éviter d'être chelou, je suis pire de tous. Tous les jours, tous les soirs, dans la même frustration. J'ai toujours voulu vous parler sans être proche de vous. Hey, c'est tout pour mes rêves et j'arrive à me décider. Avant c'était limite, maintenant y'a le feeling, je vais pas le laisser filer. Il a parlé, je l'ai mêlé, tout le monde a cru j'étais fêlé, lé. Je demande à mon moi de m'aider, je suis rempli d'amour après studio, je suis vidé. C'est déjà aux artistes prometteurs, j'ai du cœur comme gros processeur. On jette des fleurs mais j'ai que des défauts. Dire que je suis un rappeur c'est réducteur. J'ai pas le temps de lire l'heure. Avant ça j'étais dans un bourbier. Ceux qui prenaient de haut je les ai bien doublés. J'ai pas écouté ton son, j'ai rien loupé. Tous les jours je bats mes records. Je vois de l'amour tout au fond de vos regards. Ouais c'est d'art. Mon meilleur son je l'ai pas record. J'ai tu t'es reconnu dans pourquoi je pense à la mort. Ouais c'est d'art. Je suis responsable de mon sort. J'ai niqué mon corps en écoutant mon cœur. J'ai des couteaux dans le dos, c'est des couteaux à beurre. Je suis victime des hackers mais je suis assuré donc c'est d'art. Par ici, par ici, par ici, tout est flou. J'ai beau éviter d'être chelou, je suis pire de tous. Tous les jours, tous les soirs, dans la même frustration. J'ai toujours voulu vous parler sans être proche de vous. Par ici, par ici, par ici, tout est flou. J'ai beau éviter d'être chelou, je suis pire de tous. Tous les jours, tous les soirs, dans la même frustration. J'ai toujours voulu vous parler sans être proche de vous. C'était Seven Jaws et Jay-Z sur du Fadjet pour Par ici dans le Nouvel Explorateur. On se retrouve mi-janvier pour la suite des émissions. N'oubliez pas de voter sur mon Instagram. Mon pseudo se trouve sur le site de Radio Fadjet dans la rubrique Les Programmes, dans la section du Nouvel Explorateur. Bonne fête à toutes et à tous. Et on envoie le dernier jingle de 2019 du Nouvel Explorateur.